Le cul de ta meuf, on l'a déjà tapé. On est des attaquants comme Mbappé. J'suis dans la street, j'suis pas sur Bouscapé. J'vais tout casser même si j'ai pas rappé. Ficelle, reste enfoiré. C'est carré comme en Corée du Nord. Reste enfoiré, c'est moi qui remets ça. Je suis avec Joe dans le taxi de Vanessa Paradis. Je parle même pas avec eux, ils ont pas un radis. N'écoute pas ce qu'on t'a dit, plutôt regarde tout ce qu'on t'a pris. Moi je te décris les cris, moi je t'entends pas les cris. D'Algérie jusqu'à Conakry, j'écoute du Franck, il n'arrête pas. Mis à part Dieu, personne peut m'arrêter. Comme un YMA avec son Beretta, c'est comme ça les cités. L'ambiance est mitigée, à midi j'ai déjà teasé. En début de matinée, j'avais convoitisé. Récupérer la repu dans un coup martiniqué. Respecté depuis l'époque, comme Marvin Gaye. On sait comment la fabriquer, la charcler, les mariner. On sait que trafiquer, c'est pour mieux naviguer. Les grosses poucaves dans les cités se font éradiquer. Demande à Ramallah, les chats de la dépôt appliquer. La prochaine fois on va mieux s'appliquer. Cyrus Hector Berlioz, la drogue les a piqués. Je sais pas si t'as tilté, tu ressens mon identité. C'est la rue, c'est pas YouTube qui m'a identifié. Depuis l'époque déjà émancipé. Les grandes des cités sont hyper cheatées. Diversifié, j'suis dans Bouscapé ficelle, j'suis pas au Sofitel. C'est dans la rue qu'on reste fidèle. Des fois je me mets fidèle. J'ai cassé mon funnel, préparé mon cocktail. J'suis dans Bouscapé ficelle, c'est sur Bouscapé. C'est Rez le capitaine, j'te fouette avec l'antenne. C'est Villeneuve la Garenne, ça vient bien des Hauts-de-Seine 92-390. Franchement j'fais gaffe au kiss, au déquis. C'est au fils de pute, j'en ai chopé la maladie. J'suis là-bas dans ma galaxie, Malassi, vas-y mets la 6. J'en place une à Oni et mon gars sur 6. Hey, reste enfoiré, c'est carré comme en Corée du Nord. Nique les balances qu'ils ont collaboré. Colombie, Medellin, schéma dans la forêt. J'ai du sang dans la raquette, sur ma basket on l'a roulé. J'appelle mon gars sur Heck, dans la foulée. Sur leur inté, les Yankees nous ont tous follow. Dans la rue des timbres, moi je tire le gros lot. Aujourd'hui tout va bien, c'est nous les Colombiens. On te l'a fait à combien, le tarot qui convient. Hein, le deux départements, on arrive calmement. Y'a tout un armement dans l'appartement. Hey, reste enfoiré, bouscà ficelle. Midi, midi, bande de ficelle. Manu. Midi midi. Midi midi. Carlos Gambinos, Carlos Gambinos. Carlos Gambinos, Carlos Gambinos. Carlos Gambinos, Carlos Gambinos. Carlos Gambinos, Carlos Gambinos. J'ai du raisin coffré, des grosses Red Bad, la botte à meudage. Demande à JB, consommateur d'amnésia.